soir en revenant du lycée. Je mets au fond du bus avec mon ami et deux amis. Et pendant le voyage qui me ramène à la maison, là où je tchatcherai, où j'écrirai, par où s'embrasse, et parfois avec la langue. Puis un jour, comme elle voulait, elle s'est engagée avec sa langue à lécher près de mon ventre. Puis maladroitement, le fluide qui a suivi entre ses dents. Chaque jour, on recommence. À me sucer, caché derrière le siège. Copine qui regardait tous les jours un peu plus tester entre leurs jambes mes mains pour l'élégance. Chaque jour on recommence.